quand je lâche des mots, j'ai l'impression de maigrir. Je traîne qu'avec des gens qui jamais pourraient me mentir. Même si la vérité blesse, à force de recevoir, si tu savais maintenant comment j'encaisse. C'est une qualité qui dans ce monde se voit comme un défaut. Je te vois le vrai visage de personnes faibles au choc des mots. J'ai perdu des amitiés, mais heureusement elles étaient fausses. J'ai su créer des tactiques qui fait que maintenant j'amorce. Le tabou ne prend pas place dans mes faces. Face au point d'exclamation, il a pas le choix de ses faces. On pourrait croire que la franchise est un délit, que les effets qu'elle te cause te ramènent dans un délit. Je me sens comme un point noir sur une feuille blanche. Dans le regard certain, on pourrait croire que je suis étrange. C'est un mec étanche qui se camoufle sur tout terrain. Que tout obstacle ne perturbe pas ma vision du chemin. J'ai aucune balance pour peser mes têtes. J'suis transmissible, alors protège pas les oreilles. Tout comme le bouton sexe, sensible quand mon grain de voix s'accentue. Au lieu que la vérité te blesse, à toi elle te tue. Elle te déstabilise sur tes points d'appui. Pour un rien tu bascules et c'est dans les cordes que tu finis. Affronte le réel au lieu de côtoyer la fiction. Ta souris c'est ton arme et ton clavier. Des munitions. Transforme pas mes opinions en des jugements. Car ça pourrait dire que t'es en fait la cible de mon arme. Alors d'aujourd'hui je m'occupe que de mon museau et ceux du même sang. Car moins de soucis égale, se sentir moins encombrant. Fais pas de morale sur un point de vue alors que t'es aveugle. Tes discours sont pas formulés, je préfère que tu fermes ta gueule. Je règle ton nom avec l'ombre de mon majeur. Regarde, tu rigoles sur ta face, va consulter un docteur. C'est pas à cause des sagetés que ton rap est bas de gamme. T'as tellement une tête lourde qu'il faut que tu changes de rame. Tu passes toujours par plusieurs chemins pour me dire quelque chose. Tu mets du temps à conclure, donc c'est de la magie que j'exauce. Tu promets des vices qui se remarquent autant qu'un feu détresse. Puis après tu me regardes dans les yeux presque un père des caresses. Quand je retourne ma veste, c'est pour déballer les poches intérieures. Il y a des trous que je cache par pudeur. Je suis pas numéro 1 dans le rap et dans l'authenticité. Agir dans mes propos, je suis un anti-cheaté. Mon âme n'est pas compatible à la drogue. Et que chaque réussite n'est pas calculée par oh my god. Indirect, le moyen des messages qui sont pour moi des clignotants qui me préviennent du risque qu'il y a avant de rentrer dedans. Rentrer dedans, rentrer dedans. Me prendre la tête ne résoudra pas les tiens, j'ai déjà les miens. Alors, laisse-moi en prendre soin. Depuis le maxi volume 1, toujours même matos à bord. Mais plus expérimenté dans la façon de passer les rapports. On a rajouté une couche sur la résistance de la carrosserie. Des forces spéciales qui sont pro dans leur catégorie. Y'a obligatoirement une porte de sortie dans chaque le cercle vicieux. La perfection existera à la rencontre du juste milieu. Hey, j'ai un certain débit de parole. Je me retiens pas quand je parle ou quand je rappe. À ce que je vois, la franchise est un délit dans ce monde. La solitude, ça me permet de mieux me purger. Un certain débit de parole, ça surprend donc je m'isole. C'est pas de ma faute si t'es faible, c'est à moi, c'est une de mes premières règles. Un certain débit de parole, ça surprend donc je m'isole. C'est pas de ma faute si t'es faible. De mes premières règles, un certain débit de parole, ça surprend donc je m'isole. C'est pas de ma faute.